Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. C'est le grand moment qu'on attendait tous. Ah oui, c'est un instant classique! Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 15 novembre 2010. Faut pas promettre des affaires aux clients qu'il n'y aura pas. Non, mais ça, on fait ça souvent. C'est comme notre garantie prolongée ici. Hein. C'est, Ma copine a ramené ça. Bon, on lui dédie. On lui dédicace. Ouais, on lui signe quelque chose. Sur la poitrine. Oh, oh! Qu'est-ce qui est tapé? On a du matériel tapé dans cette émission-là. Ben oui, on c'est même pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, tout est en direct. Même la petite musique qui est en arrière, c'est moi qui l'ai fait live. On va laisser Stéphanie sous son spotlight. J'ai fini, là. Bon, ben, bye, Steph. Non, François. Qu'est-ce qu'on disait? Call of Duty. Je sais pas de quoi tu parles. Future Shop, non, mais ça va, non? Future Shop. Future Shop, okay. Slogan, on va le mentionner, ça, tant qu'à ça. Non? Mais je sais pas, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas lu, je l'ai même pas. Ok, ben, c'est ça. Tripant à donner, capotant à recevoir. C'est tout. C'est poche. Moi, ce que ça me rappelle, tout ce que ça me rappelle. Yeah, c'est meilleur, tu sais. Oh yeah. Oh yeah. Capoté! Capoté! Hey! Let's go! Non, je fais des jeux de lumière. Hey, Mathieu, ouais. Il s'en donne à cœur joué. François, c'est comme un chat. C'est un chat. Je peux le faire sauter des airs avec ma montre. Ça rockait le bicycle pas mal fort. Ça rockait le bicycle? Oui. Oh, yeah. T'as vu, j'aime ça. On dirait que j'ai pas entendu ça souvent. Non, hein? Je pense que c'est peut-être nouveau. Là, bon. Ça sort de la tête de Mathieu Plante. Et qu'il y a des affaires dans ces débris-là, c'est fou. Hein? Oui, c'est une mission matinale en pièces détachées jusqu'à 9h. Donc, il nous reste encore 25 minutes ensemble, hein, François? Malheureusement. Oh, Colin, qui est déplaisant, il est déplacé, il est dégueulasse, il y a d'autres mots en D. Il est dégueulasse, hey, wow. Je m'emporte un peu. Hein. Ben, ouais. Excuse-moi. Sorry. Quand je m'emporte, je commence à dire la vérité. Drôle. Drôle, non, pas drôle. Très drôle. Okay. Très, très drôle. Vincent Gauthier du Journal de Québec, en direct d'Assemblage requis, ici pour parler de sports. Hein, tu sais, Cheerios qui remplace Ricola. Hein? Dans le, avec le joueur de hockey, là. Dans le. Dans de quoi tu parles, Mathieu? Ah, je sais pas, je connais rien. C'était des sports. Oh, ouais, tout à fait. Ça, je sais qu'on a parlé de sport. De sport, c'est tout ce que tu sais. Non, mais. Avec le gars dans, avec le bâton, puis la rondelle. Le joueur de hockey. Oh, oui, le joueur de hockey, c'est ça, je cherchais. Vous êtes à l'assemblage requis, attention, on va faire un petit jingle live, version acoustique. Ok, t'es prêt? Attends, un, deux, trois, quatre. Assemblage requis pour toi demain. Ah, franchement, golo, ça aurait été d'en beau si on avait chanté. Bon. Ouais, ça s'écroule en grain, tout ça. C'est un petit peu de jus, comme le lait. Aussitôt que j'ai plus de texte, là, oublie ça, je suis plus capable de. Ça dérape. Ouais. Totalement. Nous autres, on n'a jamais de texte, fait que t'imagines comment on n'est jamais sur la piste. Jamais. Mais on réussit toujours à atterrir aux alentours de 9h. Ah, on atterrit. Ça, pour atterrir, on atterrit. Ça atterrit peut-être pas doucement. Pas de train d'atterrissage de sortie. Non, non. C'est rare un peu. Ça rebondit, puis. Bon, ouais. Mais c'est ça. C'est le dos à Mathieu. T'en sors, c'est sauf. Bon, c'est le dos à Mathieu, oui. Une autre affaire qui marche pas. Penche-toi. Tout à l'heure, on reçoit François Landry pour parler de politique. T'as-tu dit « penche-toi » Continue, aussi. T'allais un petit peu loin. Un petit peu loin. Si on va atterrir sur ton dos, faut quand même bien que... Assemblage requis qui termine. Oui, qui tire à sa fin pour la semaine. Cette belle semaine qu'on vient de passer, cette... je dirais pas longue, je vais dire belle. Jolie. Longue, belle, sympathique. Ouais. Ben, longue. Longue et belle. Une grande belle semaine. C'était le meilleur moment d'assemblage requis pour la semaine du 15 novembre 2010. Hein? Des blagues de jus de fromage, là, c'est plaisant, ça? C'est très plaisant. Tu l'as-tu dans le sac quand t'achètes du fromage en grain? Ouais. C'est bien rare, j'achète ça. C'est ça. Non, mais c'est bon, par exemple. Moi, j'aime bien ça. Donc, écoutez, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. On s'amuse, on a des chroniqueurs. Stéphanie est là les lundis et les mardis. Tu vas être là lundi avec Take Me Out, avec tes sorties spectacles. Oui, absolument. Puis mardi avec ton plat favori. Toujours. Ouais. Puis moi, ben, je vais être là tous les jours à écouter les chroniqueurs. T'sais. C'est ce que je fais. Je suis comme un grand écouteur. Hein? Hein? Un grand. Comment t'appelles ça?